l'avance que quelque chose que tu vas faire ne changera rien. Pourquoi tu le fais? Ils sont désespérés, Denis. Il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus d'autres façons de se faire entendre. Ils peuvent plus mettre le bordel d'un hôtel de ville parce qu'ils savent maintenant qu'ils vont, ils vont être obligés de subir les conséquences. Ils ne pouvaient plus rien faire d'autre que ça là, hier. Là. Mais en même temps... Du vacarme dehors, puis on écœure les résidents, puis on écœure les commerces. Pis, ça a sûrement plus écœuré les propriétaires de restaurants que les élus du conseil de ville. Rien à foutre. Le maire de Québec en avait rien à faire de ça hier. Lui, à 7 heures, de toute façon, il partait souper avec François Hollande. Il devait être content, ben, ça devient tannant, les sirènes. Mais ce qui fait pitié là-dedans, c'est que ça a rien eu comme impact sur la séance du conseil de ville. Zéro. Là. Mais quand les gens deviennent agressifs, c'est là que tu vois qu'on commence à manquer d'arguments. Puis hier, il y en a qui se sont gâtés. C'est de la faute au monde. Le nivellement par le bas. La radio de Québec. Les radios de Québec. Le monde de Québec. Et ainsi de suite. Peut-être vous présenter un des nombreux manifestants qui venait d'ailleurs, qui était là hier. Martin Buzutil était sur place et il a jasé, entre autres, avec un syndiqué de Montréal que j'adore en passant. Mais s'ils voulaient vendre leur cause, ils auraient peut-être dû le laisser à Montréal. Non, mais c'est parce peut-être qu'il aurait été plus efficace à Montréal chez eux. Tu comprends pas, là. Non. Moi puis Martin Buzutil, on comprend. Quand Dream Theater vient, mettons, là, nous autres, on va les voir à Montréal, on va les voir à Québec, puis des fois, on va les voir à Toronto, puis des fois à Ottawa. Puis des fois à Boston. Lui, il fait pareil avec les manifestations. Il en manque pas une. Il en manque pas une, mais je te le dis, pour la cause, il aurait été plus utile assis chez eux devant Saint-Louis Rangers à TV hier. Là. Peut-être, effectivement. Oui. On me dit que lui, les parents, ils trouvent ça très, très drôle. C'est une joke, Vous êtes descendu en autobus? Descendu en autobus, syndicat des professionnels municipaux de Montréal. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de Montréal qui sont descendus avec vous? Dans l'autobus, on était une dizaine. Êtes-vous satisfait quand même de la présence des gens? Vous aimeriez qu'il y en ait eu plus? Non, c'est une manifestation comme les autres, comme celle à Trois-Rivières, comme celle devant l'hôtel de ville de Montréal. C'est une participation normale. Okay. Est-ce que vous êtes promené souvent dans les manifestations? Tout le temps. Ça fait quelques-unes que je fais. Oui. Vous avez vu que les gens de Québec sont un peu plus mous que les gens de Montréal sur les revendications? Si on parle des fonctionnaires, je ne sais pas. Ah bon. C'est certain, lorsqu'on parle de... De la radio de Québec, c'est différent de la radio de Montréal. Mais la population en général n'est pas assez bien informée pour nous appuyer. Lui est informé. Les gestes gracieux, parler de ce qui s'est passé à l'hôtel de ville. Tu sais, d'encourager des gestes illégaux. Jamais. La coalition, c'est toujours dissociée de ça. Okay. À chaque fois. T'essayes. Mais de condamner que le premier ministre, que le ministre des Affaires municipales, que le maire de Montréal les condamne déjà la journée même et le lendemain, c'est fort un peu en démocratie au Québec. Je pense que chaque personne a mérite d'être défendue. Condamné, c'est parce que le tape roulait non-stop à LCN et à RDI depuis 12 heures. Là. Permettez-nous de trouver ça complètement scandaleux et épais. Là. Quand ils sont rendus à ressortir la radio de Québec? Sais-tu pas si t'es rendu que t'as plus d'argument? C'est zéro open bar. Regarde, va vous débattir votre château de cartes, ceux-là qui pensent que la radio de Québec décide de tout. Là. Si la radio de Québec décidait tout, là, Adrien Pouliot serait premier ministre du Québec. Ouais, puis dans son Québec de rêve. J'imagine que ça doit être nous autres qui a fait élire toutes les NPD là, et compagnie qui sont partout à Québec députés, c'est nous autres. Ouais. Les Nordiques sont venus aussi. Oui. Côté influence là. Ça c'est fort. Hein? La radio de Québec. M'a l'expliqué au syndicat parce que des fois ils sont dans le bulle puis ils comprennent rien. J'ai l'impression que tout ce qui touche pas le syndicat, ils comprennent rien. C'est un autre univers, c'est un autre monde. La radio de Québec, c'est un porte-voix. La radio de Québec, des fois. Elle se trompe, puis des fois, elle se trompe pas. Puis notre job, c'est de nous tromper le moins possible. Parce que sans ça, personne nous écoute, puis sans ça, on perd nos jobs. La radio, c'est un porte-voix. La radio est pas un créateur d'opinion. Non, c'est le contraire, c'est en sens inverse. L'œuf ou la poule en radio, ça fait longtemps que c'est réglé, là. La radio est en retard sur l'opinion qu'il y a au Tim Horton à matin. Il y a l'opinion au Tim Horton sur... dans le temps, c'était le perron de l'église, mais maintenant, bon, c'est ailleurs. L'opinion... du terrain arrive après en radio. Là. Oui. C'est un peu ça. Puis la radio est le porte-voix des gens qui sont dans le trafic, des gens qui n'ont pas de chef syndical, des gens qui n'ont pas de lobby ou de groupe de pression pour chialer puis faire des tchatchatchats puis se promener d'une manifestation à l'autre. Ah, c'est pas mal là tout le temps, tchatchatchats. Notre Jean Gagnon national, il l'a sorti aussi hier puis ça me dérange particulièrement de lui, moi. Ouais, mais... Parce que s'il y en a un qui a eu du temps d'antenne ici, c'est bien Jean Gagnon. Ouais. Mais Jean Gagnon se comporte comme un joueur du Canadien qui vient de perdre 6-2 contre Calgary. Combien de demi-heures de radio on a fait avec Jean Gagnon? Là, il veut plus trop nous parler. Là. Bon, c'est son affaire. C'est ses affaires, il a le droit. Mais combien de demi-heures de radio, de trois quarts d'heure de radio on a fait avec Jean Gagnon à la méchante Radio de Québec? Jean Gagnon a donné des chiffres. Jean Gagnon a crié. Jean Gagnon a gesticulé. Jean Gagnon s'est reposé. Jean Gagnon est revenu. Jean Gagnon a menacé. Jean Gagnon a encore crié. Il est pas capable de faire passer ses arguments. Qu'est-ce qui reste après ça? Faire comme Mario Gosselin après un mauvais but, puis trouver des défaites. Il faut savoir que le gouvernement a profité de l'été pour partir son projet de loi. Hein? Après ça, on se ramasse à l'automne où on est en commission parlementaire. Puis pour nous, là, ça commence. Puis là, les gens, il y avait des légendes urbaines. Parce qu'à Québec, on a une radio un peu spéciale. Et ces gens-là minimisent tout. Puis appellent, c'est le fonctionnaire bashing tout le temps. Tout le temps. On a des élus municipaux actuellement qui sont des gros durs, qui veulent pas se faire imposer le passé. Ils l'imposent à leurs employés. Maintenant, nous, on a été pédagogiques. Hein? Pas démagogiques, mais pédagogiques.